Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, une comédie avec Eddie Murphy. Un brillant homme d'affaires consacre plus de temps à son BlackBerry qu'à sa fille de 7 ans. Mais quand le doute le gagne et que sa carrière commence à s'écrouler, il trouve la solution à tous ses problèmes grâce au monde imaginaire inventé par la fillette. Allez ma chérie, on y va, papa est pressé. On peut pas faire des pancakes? Non, je crois qu'on n'a pas les ingrédients. Il est périmé, Sleigh, à mon avis. C'est impossible, j'ai vérifié la date. Pour Evan Danielson, la vie, c'était le travail. T'avais dit qu'on se déguisait en dame. Papa, trop de boulot. Et zéro jeu. Tu savais qu'à un moment, tu ne pourrais plus aller à l'école avec ton doudou. Eh bien, ce moment, c'est maintenant. Jusqu'à ce qu'une personne inattendue... Où est mon dossier pour la réunion? Sur votre bureau. Un massacre. Lui tombe du ciel et viennent tout bouleverser. Tu as dessiné des gens qui s'embrassent sur les feuilles de mon rapport? La princesse dit que ces deux entreprises vont se marier. Comment avez-vous appris que ces entreprises allaient fusionner? Ça vient... Qui vous a donné cette information? Alors si je comprends bien, les princesses te disent des choses à propos des entreprises. Mm-hmm. Tu sais quoi? J'aimerais bien leur poser quelques petites questions. Paramount Pictures. Elles sont là, tu dois lui chanter une chanson qu'elle aime. Please let me pass. Plus aigu. Je vais avoir un anévrisme. Ça lui casse les oreilles. Je la comprends. Présente. Tout le monde ne parle que de vous dans la profession. Dans ses rêves. Puis-je attendre que je vous attrape? Dans ses rêves, Eddie Murphy au meilleur de sa forme, un DVD Paramount.